Piste 41. 6. B. L'école zen de Bordeaux propose beaucoup de cours originaux. Nous sommes allés interroger des personnes à la sortie de leurs ateliers pour connaître les raisons du succès de l'école. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous ? Anna. Pourquoi prenez-vous des cours de chant ? Pour le plaisir, je me sens bien quand je chante. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Louis. Vous prenez des cours de rire, c'est original, non ? Oui, je vais à l'atelier du rire pour partager ma bonne humeur et me relaxer. Bonjour, vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Sophie, et lui, c'est mon mari, Stéphane. Pourquoi avez-vous choisi l'atelier relaxation ? Parce que nous adorons la culture thaïlandaise et les disciplines orientales.